Le temps des confidences. Au cours de leur soirée palabre à quatre, Faustine apprécie de plus en plus le sens pédagogique de Vincent. Ce garçon a une intelligence et un humanisme hors du commun. Ce que ses amis alcooliques des groupes AA ont bien compris d'ailleurs, sauf qu'elles sont en train de rencontrer un obstacle de taille. À l'instar de beaucoup de femmes, Vincent se prétend incapable de baiser sans être sincèrement amoureux. Et pour cela, il faut du temps. Beaucoup de temps. Apprendre à connaître l'autre, cultiver l'amitié. L'homme voue à l'amour et à la fidélité une grande estime. Pour lui, le simple fait d'imaginer faire l'amour à une femme mariée représente déjà un adultère. Faustine n'est pas tout à fait d'accord avec ce rigorisme, mais elle se garde bien de le spécifier. Subséquemment, jamais il ne sera l'homme d'un soir. Monique, Christine et Françoise cessent donc peu à peu de l'inviter, pour le plus grand bonheur de ses amis colocataires. À Saint-Barthélemy, en arrêt maladie, Vincent se rend utile autant que son état de santé le permet. Il fait les courses, s'occupe du jardin, tond la pelouse quand il ne souffre pas trop, cuisine plus souvent qu'à son tour. À table, il est un comparse facile à vivre et un convive attentif. Si c'est un autre qui cuisine, jamais il n'oublie de remercier pour le repas ou de complimenter celui ou celle qui l'a fait. Toujours d'une politesse exquise, il est à l'aise partout. Faustine est épatée de constater qu'il n'est jamais impressionné par la situation ou le titre d'un autre, quel que soit son niveau de fortune ou sa place dans la hiérarchie sociale. Il ne s'estime certainement pas inférieur à un Bill Gates ou au président de la Confédération helvétique. Pour lui, tous les humains se valent, noirs, blancs, jaunes, rouges, riches ou pauvres, point final. Grâce à Stéphane et à Vincent, la future maman souffre beaucoup moins de sa solitude affective. C'est donc dans un environnement relativement paisible, si l'on accepte l'indifférence de plus en plus marquée de Gilles sur le plan sentimental, mais à ce stade elle s'en fiche un peu, que Faustine évolue pendant cette grossesse. Au bureau, par contre, la situation s'envenime. On lui a collé un autre chef sur le dos, encore plus désagréable. Cette fois, le harcèlement moral devient flagrant. Presque tous les soirs, Faustine rentre à la maison en pleurant. Un jour, c'en est trop. Vincent explose. « Pourquoi est-ce que tu ne démissionnes pas à la fin? Tu comptes leur offrir ton enfant sur un plateau? C'est là qu'ils auront gagné. Ça t'avancera à quoi d'accoucher prématurément? Moi, je te la paye, ta pénalité de chômage, je te l'ai déjà dit. Ce n'est que du fric, après tout. Tu ne vas pas sacrifier ton bébé pour quelques billets bleus, non ?» Le discours est si violent qu'il provoque un électrochoc chez la jeune femme. Le soir même, elle tape sa démission. C'est dit, dans un mois, elle sera libre. L'arrivée de Julie étant prévue pour la mi-août, elle va pouvoir profiter pleinement de l'attente. Au bureau, on accepte sa lettre avec soulagement et un sourire en coin. Aussitôt, les pressions s'atténuent. Faustine constate une fois de plus à quel point la perspective d'un changement permet de mieux supporter les contraintes du présent. La jeune femme va pouvoir terminer son mandat plus sereinement. À la maison, les surprises s'accumulent. Vincent lui offre une tisanière pour son tilleul du soir, ainsi que la bande-son du film « Le professionnel » qu'elle a entendu par hasard et dont elle a eu envie. Son amie ne perd pas une occasion de lui agrémenter la vie. En retour, elle l'invite quelquefois à participer au repas du dimanche chez les beaux-parents, bien qu'il lui ait confié n'être pas très à l'aise dans ce milieu. Si d'aventure il leur fait le plaisir de sa présence, Faustine se sent plus heureuse, sans trop chercher à savoir exactement pourquoi. Un dimanche, il a dû quitter la table en catastrophe pour filer aux urgences dentaires à cause d'un abcès terriblement douloureux. Ce n'était plus pareil sans lui. À l'occasion, ils sont retournés à Port-Ripaille avec le bateau, Gilles, Faustine et lui. L'aller s'est très bien passée, le repas au restaurant du camping aussi. Mais au retour, lorsque Gilles a arrêté le bateau au milieu du Léman pour faire la sieste au soleil, le pauvre Vincent a souffert. Jouer les steaks, ce n'est pas son truc. Hormis ces petits détails, les choses se passent plutôt bien dans leur petite communauté. La période est dense en événements. Faustine travaille plus qu'elle ne le voudrait entre les travaux que lui confie M. G et son travail chez Fern. le 29 juin, deux wagons contenant de l'épichlorhydrine déraillent en gare de Lausanne à cause d'une erreur d'aiguillage. On évacue plus d'un millier d'habitants qui logent sous la gare, dont André, le beau-père de Faustine. Le téléphone chauffe entre le boulevard de Grancy et Saint-Barthélemy. Mais bientôt, tout rentre dans l'ordre. Le 30 juin au soir, Faustine quitte le cabinet Fern sans regret aucun. Elle est enfin libre. Quel bonheur! Après s'être inscrite au chômage, elle pourra se consacrer entièrement à sa petite personne. Au menu, chaise longue et lecture. Gilles, impressionné par la taille de son abdomen, la photographie sous toutes les coutures, pendant que Vincent plante des tomates et des salades dans leur petit jardin potager. Leur ami jardinier a également trouvé une vieille roue de chariot dans laquelle il compte disposer différentes plantes aromatiques. Le temps reste au beau. Cela incite Gilles à sortir de sa coquille, pour le plus grand bonheur de sa femme. Il semble enfin se prendre au jeu de la paternité. Mais à la tombée de la nuit, ses angoisses le reprennent. Il s'enroule dans sa couette, comme une saucisse de Vienne dans une demi-baguette, et transpire tout ce qu'il peut. Au matin, son linge de lit est trempé. Si on lui demande ce qu'il a, il hurle « J'ai peur !» Mais il refuse toute aide extérieure. Exactement le compagnon qu'il faut à une femme enceinte et fragilisée. Faustine ne cherche même plus à comprendre. Elle est lasse de tout ce cirque qui l'empêche de se consacrer sereinement à son bébé et qui ne se justifierait que par une rechute d'alcool. Or, elle a beau chercher partout, elle ne trouve aucune preuve de délit. Exacerbée par l'attitude hystérique de son mari, elle clame qu'il y a une gonzesse de trop dans son foyer et que ce n'est pas elle. Un jour, elle lui pose carrément la question qui tue. « Est-ce que oui ou non tu préfères les hommes ?» En lui assurant qu'il n'y a pas de honte à cela, que c'est arrivé à bien d'autres. « Réponds-moi franchement, je comprendrai. Au moins je saurai ce qu'il en est. » Mais le déni est bien trop puissant. Jamais Gilles n'admettra quoi que ce soit. Heureusement, il y a Vincent. Lorsqu'il est là, le jeune homme n'a pas son pareil pour la distraire. Mais il fréquente beaucoup le vidéoclub des Chalands depuis quelque temps, et pas seulement à cause des films. Il y a là-bas une petite brune qui lui a tapé dans l'œil. Il en est encore au stade de l'observation, et déjà on sent l'électricité dans l'air quand il s'en approche. Nonobstant ce détail, il choisit quantité de bons films et étoffe la culture cinématographique de ses amis avec ses découvertes. Wolf, pour commencer, avec la merveilleuse Michelle Pfeiffer et le sulfureux Jack Nicholson. Il y aura ensuite, sorti cette année-là également, The Crying Game, avec un Stephen Rea au meilleur de sa forme. Quant à Gilbert Grape, Vincent emmènera carrément Faustine le voir au cinéma par un délicieux après-midi de pluie. Il ne pleut pas le jour où Vincent invite sa propre mère et Faustine au restaurant chinois. La jeune femme fait alors connaissance avec cette dame de 67 ans, retraitée de l'éducation nationale depuis 12 ans déjà. Dans la voiture, lorsque Faustine ose, puisque c'est de circonstance, évoquer la Chine qu'elle a visitée en 1987, elle comprend tout de suite qu'il n'y a pas de partage possible avec l'institutrice. Cette dernière a déjà tout vu, tout entendu, tout visité, tout exploré, depuis des années qu'elle parcourt le globe. Faustine n'insiste pas. Elle se tait, écoute, approuve, comme avec ses parents. La dame est malgré tout intéressante, mis à part le fait qu'elle tient le crachoir sans discontinuer, et en dépit d'une voix criarde à la limite du supportable. Désormais femme au foyer, la future maman s'organise. Elle arrange les événements, obligations, tâches, toujours à sa façon. À l'aide de listes plus ou moins longues et fournies, elle gère, coordonne, administre. Vincent la voit venir le matin avec ses gros sabots. Il se marre. Faustine se lance avec diplomatie. « Dis, Vincent !» Ce dernier jette un coup d'œil aux listes posées devant Faustine. « T'as des projets pour moi, c'est ça ? Comment t'as deviné ? Viens là que je t'explique. On va commencer par prendre un bon café, une clope, et tu vas me raconter tout ça tranquillement. S'ensuit une négociation animée où l'une défend ses devoirs de ménagère, tandis que l'autre défend sa liberté, son indépendance et sa santé. Le tout entrecoupé de grands éclats de rire. Faustine ne voit pas le temps passer. Son amie lui raconte sa vie, son enfance au milieu des bois, ses vacances chez ses grands-parents, sa rencontre avec sa première femme à l'âge de 15 ans, mariée à 18 ans, divorcée à 24. Il parle de maltraitance dans sa petite enfance, de solitude, de l'incompréhension de ses proches, mère et frère. Il évoque également ses grands-parents qui l'ont élevé en partie et qui lui ont prodigué tendresse et amour. Faustine, pour lui comme pour elle, pense au vilain petit canard, tant il y a de similitudes dans leur parcours. Parallèlement, il reconnaît avoir pris goût à la peinture et au dessin en lisant une toute vieille Bible enluminée, alors qu'il devait attendre, sans faire de bruit, que sa mère se réveille le dimanche matin. Il affirme lui devoir son attirance pour les arts, d'autant qu'elle était férue de peinture et de musique. Il a peu connu son père, sa mère l'ayant rejeté à sa naissance et vécu par rapport à lui des tas de conflits de loyauté épouvantables. Au cours des semaines qui suivent, il se raconte de plus en plus, répond aux questions de Faustine en toute honnêteté. Celle-ci est aux anges, elle qui s'est toujours intéressée à l'humain. Elle éprouve autant d'empathie que de sympathie, mais ce n'est pas sans conséquence, car elle ne parvient désormais plus à considérer les êtres qui ont blessé son amie sans arrière-pensée négative. Vincent éprouve toujours un sentiment de tendresse vis-à-vis de sa première épouse, bien qu'il ne la revoie plus. Par contre, en ce qui concerne la seconde, la chanson n'est pas la même. Il raconte à Faustine les détails de leur rupture, et surtout le moment charnière, le choix, la décision prise à l'arraché, ce point de non-retour qui a tout fait basculer. Il a senti la situation déraper, vu la machine s'emballer et réalisé qu'il ne pouvait plus rien faire pour l'arrêter. Faustine comprend. Elle aussi a fait des choix, vécu ce sentiment de dérapage et pris des décisions qui ont bouleversé sa vie. Elle ne peut que compatir. Faustine aimerait bien trouver une idée originale pour le faire part de naissance. Elle a toujours gardé celui de son amie Sylvie. On pavoise chez les Rouennettes, Antoine aîné, le, etc. C'est en attendant devant la porte de la gynéco que l'idée jaillit. Elle l'a trouvée. Puisqu'ils sont tellement branchés cinéma, elle va présenter sa fille à l'instar d'une comédie musicale. Elle demandera à Vincent de bien vouloir lui dessiner la carte. Elle se charge de l'intérieur. Elle griffonne sur un bout de papier un texte. Les artistes associés présentent Julie dans Une nouvelle étoile est née à la maternité du CHUV le X à telle heure. Avec Julie elle-même, Faustine la mère, Gilles le père, Stéphane l'oncle. Monique, la marraine, Vincent, le parrain. Suivent les grands-parents des deux bords. À ce moment-là, Vincent rejoint Faustine dans son bureau et ensemble ils continuent. Distribution des rôles, Dieu. Mise en scène, Marie-Madeleine Z, gynéco. Script, Madame R, sage-femme. Sponsorisé par Assurance vieillesse, invalidité, chômage. Musique, symphonie du Nouveau Monde. Costume, Pampers. Décor, ville de Lausanne. Jamais on n'a autant ri à Saint-Barthélemy. Quant au soleil à visage de bébé que Vincent peint à l'aquarelle pour illustrer le faire-part, il est tout simplement superbe. Un soir de juillet, Vincent emmène les trois autres dans un petit restaurant situé à Prévrange, au bord du Léman. Il paraît qu'on y déguste des grillades extraordinaires. Faustine, 1,64 m, entre en tête dans le restaurant, précédée par son ventre proéminent, suivie par Stéphane, 1,65 m, puis Vincent, 1,80 m, et enfin Gilles, 1,92 m. Le spectacle est hilarant. Faustine ne l'oubliera jamais. Jeudi 21 juillet, Faustine ne se sent pas très bien. Pourtant, en principe, le terme est dans 3 semaines. En fin d'après-midi, elle pense perdre les os. Elle appelle l'hôpital. On lui dit qu'elle peut venir si elle pense que c'est le moment. Gilles travaille, Vincent est là. Faustine va chercher sa petite valise et ils partent pour le CHUV. Devant la grande porte tournante, Faustine frissonne. Pas de froid, mais d'appréhension. Vincent lui prend la main et l'entraîne à l'intérieur. Il se renseigne quant à l'étage. Faustine est déjà venue visiter les lieux avec Gilles. Mais c'était il y a longtemps. Elle a oublié où se trouve la maternité. Quand ils arrivent sur les lieux, l'infirmière effectue la prise en charge. Elle demande à Vincent « Vous êtes le père ?»« Non. »« Alors je suis désolée, vous ne pouvez pas entrer ici. »« Vous venez avec moi, madame ?»« Oui. » »« Au revoir, Vincent. À demain. » »« Au revoir, Faustine. Bon courage. » Tous deux ont les yeux humides. Une page se tourne ?